qu'on saura dès le début, on s'en maintiendra. Baby, baby, c'est fort toi et moi, je l'ai toujours su, c'est notre karma. Yeah, yeah, chaque fois tu me regardes, j'y crois encore un peu plus. Prions pour que rien ne s'arrête, je t'ai imaginé depuis le premier jour. Je n'existe plus en toi. Moi, que ça dure. Il n'y a qu'une seule vie.